Guillermo. Ça va, les amigos. Ouais. Ça fait bizarre de faire une chronique sans public, non? Bah, on est là. C'est Juliette Gréco, je crois, qu'il disait sur son public, je peux pas SAK, c'est blaireau, mais ça, ça fait mes cours de karting. Et je trouve ça particulier, non? De pas voir nos amis du public ici. D'habitude, il y a une de ces ambiances. Nicolas et Mathias vont atteindre ces trucs. Le public, ici, c'est les incontrôlables. Sérieux, combien de fois c'est parti en bagarre ici? 10-12 fois, j'ai dû séparer. J'étais là, mais arrêtez, Lucette, votre ange. Il y a un monsieur, il s'était fait frapper avec une montre Gousset, comme ça. Il était là, je vais revenir avec ma lampe à Will. Et tout. C'est très âgé, mais. C'est un copain, William. C'est très âgé, mais c'est très violent. Non, c'est pas vrai, on a le public le plus silencieux de l'histoire de l'audiovisuel en général. Et parfois, il y a un téléphone qui sonne. J'ai laissé le sonner, ça donne un peu l'impression que vous êtes en vie. Vraiment, j'ai vu le jour du Seigneur, l'autre jour, c'est là, putain, comment il a la chance, le curé là-bas, c'est le fuego par rapport à ici, franchement. Parce que c'est le fuego. Moi, je dis pas que je suis un grand chroniqueur, hein. Jamais personne qui m'a dit Ernesto, fils de la margarine, t'es le nouveau Fernandel, personne m'a jamais dit ça, mais parfois, quand même, je fais des vannes marrantes. Et ici, sur le public, ça fait comme si je lisais les résultats d'une biopsie, tu vois, à chaque fois. Et tant mieux quelque part. C'est quoi, tant mieux que le public m'aime pas. Ils reviendront pas. Voilà, le public l'abandonnerait. Tant mieux qu'il m'aime pas, parce qu'en cette période d'épidémie, au moins à la fin de l'émission, personne jamais qui me réclame un bisou ou une poignée de main à moi. Personne. Non, les gens ils sont là. Est-ce qu'on peut faire une photo avec Tanguy Pasturo, hein? On peut faire un bisou à Tanguy Pasturo. Lui, les vieux, il aime bien, comme par hasard. Et il refuse, hein, en général, parce qu'il méprise les populations à risque, ce qui est quand même paradoxal quand on bosse tous les jours avec Nagui. Et tiens, en parlant de vieilles personnes, je lisais sur le Figaro hier, il y avait un sondage sur leur site. La question, c'était, avez-vous renoncé à serrer la main ou à faire la bise pour saluer vos interlocuteurs? Et 7 votants sur 10 ont répondu que oui. Et ça devient un automatisme, en fait, en France, c'est bien. Parce que ce matin, par exemple, Daniel a voulu me faire la bise. Je fais, il m'a fait quoi, coronavirus? J'ai dit, oui, c'est ça, coronavirus, tu comprends, hein? L'occasion fait le larron ici. Franchement, la dernière fois que je lui ai fait une bise, je suis resté accroché dans sa barre pendant 27 heures, comme dans un velcro. Résultat, un torticolis. Voilà, donc, mais ça me rassure ici. À Paris, on vous prenait le truc au sérieux, le truc des bises. À Bruxelles, tout le monde s'en bat les couilles. Le pire, c'est à la sortie de mes spectacles. Tu vois, comme moi, je suis considéré comme quelqu'un qui parle souvent de son prépuce. Les gens, ils pensent que je suis de la famille, en fait. Mais et du coup, parfois, je me lance dans un. Je vous fais un bisou de loin. Ils me font, allez, arrête tes conneries, t'es con, quoi. Et je reçois une énorme lèche sur la commissure des lièvres. Des lèvres. Comme un faux extérieur. C'est beau la commission des lièvres. Oui, Mathieu, pardon, désolé. Mathieu. C'est quoi, hier au JT, hier soir, je vous promets, la première ministre, elle a dit on évitera ce qui est difficile. Difficile pour la population belge. Non, mais tu mets Guillaume, c'est pas possible. Prends ton élan. Hier soir, au JT. Attendez, si vous comprenez, écoutez. Hier soir, au JT, la première ministre, elle a dit on évitera ce qui est difficile pour la population belge, qui est une population extrêmement chaleureuse, les serrages de main et les bisous. C'est nous, c'est vraiment c'est un déchirement. C'est comme si chez vous, Edouard Philippe, il avait déclaré, il a demandé aux Français d'être aimables au volant. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il nous reste dans notre vie? Mais moi, ça me rassure, parce que je suis un vrai anxieux. Moi, je prends ma température 4 fois par jour. Vraiment, en ce moment même, je suis en train de la prendre. Je vous dirai, je vous dirai pas où est caché le thermomètre. Ça, avec un vrai public dans le studio, ça aurait fait un de ces cartes. J'aurais fait 1000, je sais que c'est drôle, mais gardez votre linge de corps. C'est de la radio filmée. Je vous promets, moi je fais attention. Comment, Daniel? Ce matin j'étais à 35,5. 35. Et quand t'es à 35,5, c'est une chose, c'est que t'as personne dans ta vie. Bah oui, c'est ça. C'est vraiment froid. Au moins avant j'avais notre public. Allez, aussi calme soit-il, on a hâte de les revoir, nos amis d'ici. Allez, à bientôt. Merci Guillaume. Bravo. Il aurait pu être.